deuxième temps de notre série consacrée à l'histoire de l'Afrique du Sud. Ce matin, la fabrique de l'histoire nationale africanaire au Fort Trekker Monument de Pretoria. Hier, nous avons exploré l'histoire profonde de l'Afrique ancienne en compagnie de François-Xavier Fauvel, qui a coordonné un ouvrage collectif sur ce thème chez Belin. Demain, nous nous interrogerons sur l'histoire croisée de la France et du pays de l'apartheid entre la fin des années 40 et les années 1980. Et aujourd'hui, eh bien, Victor Massé de l'Épinay, qui a enregistré ses émissions en Afrique du Sud avec le soutien du Pôle Idées et Savoirs de l'Institut français et de l'IFAS Recherche de Johannesburg, nous fait visiter un monument emblématique de l'histoire africanaire qui rappelle que dans les années 1830, les fermiers bourgs de la colonie du Cap, protestant contre les autorités britanniques, s'enfoncèrent avec leurs chariots dans les terres, un moment d'histoire qui a été mythifié depuis sous le nom du Grand Trek. C'est à cet événement auquel fait référence le Fort Trekker Monument de Pretoria que visite pour nous donc ce matin Victor Massé de l'Épinay avec ses deux invités, Cynthia Cross et Liesel Smith. Nous partons donc de Johannesburg pour un court trajet, 70 km à peine vers le nord, en direction de la capitale de l'Afrique du Sud, Pretoria. Fondée en 1855 pour devenir la capitale de la République du Transvaal, l'un des États-bourgs indépendants, et dont on sait pour le coup de façon certaine à qui le nom rend hommage. Pretoria, la ville d'Andries Pretorius, l'un des héros de l'histoire nationale africaineur, l'une des figures majeures du Grand Trek. Peu avant Pretoria, le monument surgit sur la gauche de l'autoroute en haut d'une colline. Énorme, massif, visible à des kilomètres à la ronde. La voiture sort en empruntant la bretelle M7 qui s'est longtemps appelée Monument aux Fort Trekkers et qui a été rebaptisée après l'apartheid Youfis Vek, la voie du centenaire. C'est ce monument que nous allons visiter aujourd'hui. Deux visites successives avec deux interlocutrices à qui, par l'effet du montage, nous donnerons la parole alternativement. La première fut pendant longtemps guide au monument des Fort Trekkers. Elle est elle-même afrikaner. Elle s'appelle Liesel Smith. Ce monument, je vais le décrire un peu pour commencer. Gerard Moerdijk, un non-néerlandais, qui était l'architecte. Et ce monument est assez lourd, très imposant. 40 mètres par 40 mètres, sauf en haut, ça devient un peu plus mince, comment dit-on ? Plus étroit. Étroit. Plus étroit. Donc c'est pas tout à fait une cube, mais c'est, comme je dis, c'est grand et c'est imposant. C'est fait de granit. Quand nous passons par ce barrière-là, le barrière, vous allez remarquer, c'est fait de sagaï. De sagaï. Sagaï, ouais. Comme les Zoulous s'en sont servis. Peut-être il nous faut aller plus haut maintenant. Oui, on va monter les 50 ou plus marches qui nous séparent encore du monument. Voici la statue d'une femme à cause de son courage, hein, avec les deux enfants. Le sculpteur Anton van Vaux, c'est un nom hollandais. Encore une fois, les Afrikaners étaient les descendants des Huguenots, des Néerlandais, le plus grand groupe, et aussi les Français. Donc les noms, on trouve de tout. Beaucoup de noms français aussi. Et les deux enfants, vous voyez comment ils ont peur. Et la femme, elle ne sait pas ce que va venir. Ils portent la robe longue et le bonnet, comme elle faisait tout, avec deux enfants qui sont tout près d'elle et qui ont peur. Ça se voit sur leur visage. Dans un article de 1999, traduit en français en 2004 dans les cahiers d'études africaines, intitulé « Le monument au Fort Trekker 50 ans plus tard, histoire d'une autoréconciliation », l'anthropologue sud-africaine Rehana Valli écrit en introduction, je cite, « Ce monument incarne depuis 1949 la mémoire et le nationalisme afrikaner, la nation ethnique, la suprématie du peuple afrikaner ou folk ». Fin de citation. Et si cela a incontestablement du sens de visiter ce lieu avec Liesel Smith, elle-même afrikaner et héritière de la vision de l'histoire qui est racontée dans ce monument, il nous a semblé important d'entendre une autre voix. L'historienne Cynthia Cross de l'université du Witwatersrand est donc venue nous apporter quelques précisions. Oui, je suis anglophone et j'ai une autre vision de ce monument. Vous remarquez là, la grande dame en bronze, elle a créé par Anton DeVoe. Et au début du XXe siècle, les Afrikaners intellectuels et des artistes, etc., ont commencé à construire une identité pour les Afrikaners, parce que il y a une possibilité que les Afrikaners ouvrières seront alliés avec les ouvriers africains. C'est-à-dire que les Afrikaners les plus pauvres, dans ces années 1920-1930, se détachaient peu à peu de l'histoire Afrikaner pour se retrouver peut-être plus de points communs avec des ouvriers africains, des ouvriers noirs, des ouvriers anglophones. Exactement. Les Afrikaners nationalistes veulent rassembler tous les Afrikaners autour de sens d'histoire et spécialement l'histoire du Great Trek. Discours de Daniel François Malan, Pretoria, 1949. Ce monument est dédié à la mémoire et au rôle qu'ont joué les Full Trekkers. Mais il est plus que cela. Il est sur votre route, sur la route de l'Afrique du Sud pour vous et vos descendants. Afrikaner, ceci est ton temple du Covadis, à toi et à toutes les générations à venir. Et si tu t'égares loin du souvenir et de l'esprit des Full Trekkers, si tu agis à l'encontre de la tradition de ceux à qui tu es venu rendre hommage aujourd'hui, si ton regard se pose sur le monument où tu es venu communier avec les Full Trekkers, si tu te demandes « Quo vadis ?»« Où vas-tu » Relève-toi, voilà ta réponse. Liesel Smith, nous sommes encore au pied de ce grand monument, dans une sorte de grande enceinte ronde sur laquelle figure des chariots à bœufs, bâchés. Je ne sais pas combien ils sont très nombreux. On n'en voit qu'une partie, puisque nous sommes au pied du monument. Ces chariots, c'est un élément essentiel et central dans l'image et l'imaginaire de ce grand trek. C'était la seule possibilité. Normalement, une famille avait deux chars pour dormir là-dedans et mettre toutes les choses, parce que c'est toute la vie qu'on apporte. Hein? Les footrekkers, quand il y avait un problème, un danger, ils ont toujours mis ces chariots comme en forme de cercle. Et entre les chariots, on a mis des branches surtout épinées pour se protéger. Et puis, les footrekkers restaient dedans, soit à cause des animaux qu'ils savaient qui étaient là-bas, soit à cause des indigènes qui, par-ci, par-là, il y avait des batailles contre eux. Derrière vous, les traces des chars à bœufs des Full Trekkers, profondément et irrémédiablement imprimées à travers l'histoire sud-africaine. Ces gens ont entendu la voix de l'Afrique du Sud. C'est de la main de Dieu qu'ils ont reçu leur tâche. Et ils ont donné leur réponse. Ils ont fait des sacrifices. Il y a encore une race blanche. Il y a un nouveau folk. Il y a notre propre langue. Il y a un besoin éternel de liberté. Le champ de bataille de Blood Rivers est un sol sacré. C'est là que s'est joué l'avenir de l'Afrique du Sud en tant que pays chrétien et civilisé. C'est là que s'est décidé le maintien en place de l'autorité responsable de la race blanche. Vous vous tenez aujourd'hui debout dans votre lager blanc, observant des masses sombres entourant une race blanche isolée. South Africa looks back on her glorious past. Just about 100 years ago, teams of grunting oxen heaved wagons over bare rocks and scrub. L'Afrique du Sud se penche sur son glorieux passé. Extrait d'un reportage British Pathé consacré à la reconstitution du Grand Trek, décembre 1938. And today at a mighty hillside camp south of Pretoria, the modern union remembers the four trekkers. They wear the old costumes, and then as an additional celebration, 37 couples join in a mass wedding. And by the way, none of the girls are allowed to use lipstick, rouge or powder. Just to show the world that beauty is more than skin deep in South Africa. Avant d'entrer dans le monument, Liesel Smith, il faut peut-être dire un mot de la construction de ce monument. Il a été inauguré en 1949, c'est-à-dire un an après la mise en place du régime d'apartheid. Mais la première pierre avait été posée plusieurs années avant, en 1938. Oui. Il y avait ici plus que 100 chariots. C'était des chars à bœufs qui partaient du Cap ou d'ailleurs. Ils partaient surtout du Cap, d'où venaient les pionniers. On a essayé de reconstituer. Oui, de se faire encore une fois des pionniers. Ça durait plus de 2 semaines. Il y avait des concerts de musique, entre autres la 9e symphonie de Beethoven. Oui, les gens qui étaient ici, il y en avait 240 000. Et ils ont porté les vêtements, comme les pionniers. Comme vous voyez cette femme-là, et les hommes, assez souvent des barbes, chapeaux, feldskoen ou bien souliers faits de peau d'animal. Mais autre chose aussi, toute une chose de mémorabilia. Je me souviens que mon oncle en avait plusieurs. Un pot avec dessiné sur l'extérieur les chars à bœufs, les tentes, quoi que ce soit. Nederland vraagt aan u en uw wegtrekkende landgenoten, is die heilige boekje met een afscheidsgeschenk en een teken van ons hoogachten en ons leedwezen voor uw vertrek. En 1938, pourquoi les Afrikaners ont choisi de faire ici ce monument? Sans doute c'est l'événement le plus important dans l'histoire des Afrikaners. Ils aiment très beaucoup l'indépendance. Et là, finalement, ils ont migré et ils ont travaillé pour avoir l'indépendance de la Grande-Bretagne. En vue de cela, c'était nécessaire de le commémorer. Vous savez, ces gens-là étaient en route. Ils ont fait, mettons, 10-12 kilomètres par jour. Et ils ont fait des centaines et des centaines de kilomètres. Et cet événement, comme j'ai dit, était vraiment l'événement le plus grand dans l'histoire des Afrikaners. On était fiers de cela. Autour de ce temps-là, il y avait M. Malan, président, qui a donné un discours et qui a dit à la fin, Afrikaner, quo vadis. Cette commémoration de 1938, c'était donc une façon, en commémorant ce grand trek, de s'ancrer aussi et de préparer un avenir d'Afrique du Sud dans lequel les Afrikaners auraient une place. C'est bien ça. Les Afrikaners avaient une grande place là, sauf qu'ils n'avaient pas le pouvoir politique. Mais on peut dire que c'est pour lier les gens. Ils savent que cet événement et ce trek étaient vraiment importants, étaient durs et difficiles. Et il faut dire merci. Et ne pas jeter ce qu'on a gagné par cela. Entrons maintenant dans le monument. Si nous avions pris le temps d'en faire le tour, nous aurions pu voir, aux quatre angles, quatre monumentales statues des héros du Grand Trek. L'une représente le fort trekker inconnu, le pionnier anonyme. Les autres sont identifiés. Il s'agit d'Andries Pretorius, d'Hendrik Potgieter et de Piet Retief. Piet Retief est l'une des figures centrales de cette histoire du Grand Trek. Au centre de la grande salle unique du monument, une ouverture ronde permet de se pencher sur son cénotaphe, son tombeau vide, installé au sous-sol. Une fois par an, le 16 décembre, un rayon de soleil passe par l'ouverture de la coupole, 40 mètres plus haut, et vient éclairer ces mots gravés sur la pierre en afrikaans, « Nous pour toi, Afrique du Sud ». Entre une classe d'enfants sud-africains, tous noirs, et un groupe de touristes japonais, nous entrons donc dans cette salle avec Cynthia Cross qui nous répond désormais en anglais. On a l'impression quand on entre dans cette salle, Cynthia Cross, d'entrer dans une église, dans cette grande frise de marbre qui est représentée tout autour. Il y a une allégorie quelque part de l'exode du peuple hébreu à travers le désert. Et cette notion de désert, d'ailleurs, est une notion importante, puisque dans l'histoire qui a été construite par les trekkers, les endroits où ils marchent, les endroits où ils vont, sont des endroits déserts, sont des endroits où il n'y a personne ou presque personne. Les populations zoulous sont dites extrêmement peu nombreuses et peu organisées. Il y a un parallèle évident avec l'Exode, même si cette idée a été développée au XXe siècle plutôt qu'au XIXe siècle. Ce parallèle rapproche l'arrivée dans le désert et la fuite des Hébreux hors d'Égypte. Pendant de nombreuses années, l'histoire s'est construite autour de ce qu'on a appelé le Mfekane, une période qui renvoie à l'ascension de Shaka et au fait qu'il aurait décimé tous les peuples alentour. Les terres auraient donc été vidées de leur population, si bien qu'à l'arrivée des colons blancs, elles n'appartenaient à personne. Les gens étaient morts ou s'étaient enfuis, il n'y avait donc plus personne. Dans les années 1980, l'historien Julian Cobbing a affirmé que le Mfekane était une histoire fausse, une sorte d'alibi pour les historiens et les colons blancs, une excuse pour justifier l'appropriation de terres qui étaient en fait occupées. Il a cherché à démontrer, par exemple, que l'empire de Shaka était bien moindre qu'on ne le disait, notamment parce que Shaka ne disposait pas à l'époque des moyens techniques pour gouverner un territoire aussi étendu. Il aurait également forgé des alliances avec les autres groupes plutôt que de les exterminer. Il y a en effet des groupes qui lui ont survécu ou qui se sont opposés à lui. Donc, l'idée d'un immense empire zoulou au-delà duquel s'étendait le désert n'est pas recevable selon Cobbing. Sa thèse a suscité d'immenses controverses parmi les historiens. Mais aujourd'hui, ils sont nombreux à se ranger derrière cette idée que le Mfekane est avant tout une construction. D'autre part, l'histoire de Shaka insiste souvent sur le fait qu'il aurait été tyrannisé quand il était enfant et que c'est la raison pour laquelle il aurait tué tant de personnes. Mais à nouveau, cela a tout d'un alibi. Cette histoire provient en fait de sources zoulous, mais elle a été diffusée par des familles qui ont souffert ou qui ont été persécutées sous le règne de Shaka. Ces histoires ont été consignées par un fonctionnaire colonial blanc du nom de James Stewart à partir des récits qui lui étaient rapportés en zoulou. En fait, il semble aujourd'hui, même si cela reste à vérifier, que ce sont plutôt les échanges commerciaux autour de la baie de Delagoa qui ont permis l'expansion du royaume zoulou, ou encore la concurrence pour le contrôle des matières premières, notamment de l'ivoire. Ces facteurs explique d'ailleurs la création de nombreux États africains qui précèdent parfois le royaume zoulou, comme le royaume Dwandwe, par exemple. Donc, cette version de l'histoire est fortement contestée depuis quelques années. Il reste encore une poignée d'historiens conservateurs pour estimer que le territoire était désert à l'arrivée des trekkers. Mais la plupart des historiens respectables s'accordent aujourd'hui pour dire que ce n'est pas vrai et que de nombreuses personnes vivaient en fait sur ces terres. L'atmosphère, c'est presque une cathédrale. Hein? L'atmosphère, c'est presque une cathédrale. Bon, cette frise, 90 mètres de long, 2,5 de haut, de marbre blanc, qui vient de l'Italie, Carrara, là où a trouvé Michel-Ange, etc., le marbre. Les maquettes pour ce qui est ici étaient faites ici en Afrique du Sud par plusieurs personnes. Et puis transporté en Italie. Puis c'était les sculpteurs italiens qui ont finalement fait ce qu'on voit ici. Et après qu'ils ont fait cela, c'était retransporté très lourd vers l'Afrique du Sud pour être monté ici. Et ça vous donne, ça suit un peu l'histoire, pas tout, mais l'histoire du Grand Trek. Alors peut-être il faut dire un mot de ce qui a poussé tous ces trekkers à partir du Cap ou du Cap, des régions de l'Est du Cap vers le Nord et vers l'Est, donc vers le Natal, de l'autre côté du fleuve Orange et vers le Transvaal. L'un des mythes concernant le Grand Trek est qu'il aurait constitué un mouvement massif de personnes quittant le Cap et avançant ensemble. Mais en fait, il s'agissait plutôt d'une série de petites migrations qui ont ensuite été fondues dans la mythologie du Grand Trek. Les raisons pour lesquelles les trekkers ont quitté le Cap sont aussi très diverses. L'abolition de l'esclavage en est une. Peu de trekkers possédaient des esclaves, mais pour ceux qui en avaient, Il fut très difficile d'obtenir une compensation financière parce qu'il fallait pour cela aller en Angleterre et très peu avaient les moyens d'un tel voyage. Donc cela faisait partie de leur grief contre le gouvernement britannique, ainsi que le fait que ce dernier ne les protégeait pas vraiment contre les raids Xhosa à la frontière orientale. Ils ne se sentaient pas compris et estimait que les règles britanniques étaient trop laxistes face à la menace. C'est ce type de personnes qui ont suivi Pete Rétif vers le Natal. Pete Rétif, manifeste aux fermiers émigrants, Grahamstown Journal, 2 février 1837. Des bruits nombreux ont circulé à travers la colonie, manifestement dans l'intention de susciter dans l'esprit de nos compatriotes un parti pris contre ceux qui ont résolu d'émigrer hors d'une colonie dans laquelle ils ont connu depuis tant d'années une série de pertes importantes et vexatoires. Nous sommes donc conduits à faire connaître les motifs qui sont les nôtres de franchir un pas aussi important et nos intentions concernant notre façon d'agir à l'égard des tribus indigènes que nous pourrions rencontrer au-delà de la frontière. Premièrement, nous désespérons de sauver cette colonie de tous les maux qui la menacent, du fait de la conduite turbulente et malhonnête de vagabonds qui sont autorisés à infester toutes les régions de ce pays. Nous ne voyons de même aucune perspective de paix ou de bonheur pour nos enfants dans un pays ainsi secoué par des désordres internes. Deuxièmement, nous nous plaignons des graves pertes que nous avons été forcés de subir par suite de l'émancipation de nos esclaves et des lois vexatoires qui ont été mises en vigueur les concernant. Alors là, on est devant la première étape de cette grande frise qui s'appelle donc le départ des pionniers, les Fort Trekkers. Il y a 27 étapes. Est-ce que peut-être il y en a une, Liesel Smith, que vous voudriez nous montrer qui est... Lui, Trichardt, qui est allé le plus vers le nord, quand il est arrivé près du Soutpansberg, au sud, il y a une ville là qui s'appelle Lui, Trichardt. La première chose était commencer avec une école. Vous voyez les livres, parce que c'était très difficile faire l'éducation des enfants en route. Là, c'est Lui, Trichardt, qui arrive chez les Portugais. Sa femme qui est très malade. Et les Portugais les ont bien acceptés. Ici, c'est un groupe des Zoulous qui se trouvait plutôt à Natal, au nord de Durban. Et lui, il était un leader qui a quitté les autres Zoulous. Il est allé vers l'intérieur et il a essayé de faire la guerre contre tous les autres, par-ci, par-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en avait des groupes de Noirs de différents tribus. Ici, c'est Mzilikazi, il s'appelait, qui fait une attaque sur un lager. On voit bien le lager, on voit bien les femmes qui coulent des balles en plomb. On ne voit pas de guerriers adverses, sauf un qui est déjà visages. Mort. Oui, c'est vrai, mais il y a quelques visages là, mais c'est sûr. C'est plutôt les trekkers à l'intérieur. Huitièmement. Nous nous proposons, au cours de notre trajet et à notre arrivée dans le pays où nous installerons de façon permanente, de faire connaître aux tribus indigènes nos intentions et notre désir de vivre en paix et en relation amicale avec elles. Neuvièmement, nous quittons à présent la terre fertile de notre naissance et nous entrons dans un territoire sauvage et dangereux. Mais nous avancerons en plaçant notre confiance inébranlable dans un être omniscient, juste et miséricordieux, à qui nous nous efforcerons de témoigner crainte et humble obéissance. En vertu de l'autorité des fermiers qui ont quitté la colonie, Peter Rétif, 22 janvier 1837. Peter Rétif, c'est un des personnages centraux de tout ce monument. Il est représenté à plusieurs endroits de cette grande frise. Et sur sa 12e étape, on le voit signant un traité avec le roi Dingaan. Qu'est-ce qui est représenté ici, Cynthia Cross? Qu'est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre de la façon dont l'histoire est racontée là? Tout d'abord, il faut remarquer que cette frise est en marbre et a été sculptée en Italie. Les universitaires expliquent cela par le fait que l'Italie était alors considérée comme le berceau de la Renaissance et que les Afrikaners voulaient à la fois être associés à l'Afrique, mais aussi montrer qu'ils venaient d'Europe. Donc ici, nous voyons Rétif et Dingane signant un traité. Dingane est représenté comme un personnage particulièrement puissant, si vous regardez ses jambes. Dans la perspective d'une histoire mythifiée, il est important que les Zoulous aient l'air puissants. Sinon, cela ne présenterait pas d'intérêt de les avoir vaincus. On ne sait pas beaucoup de choses sur Dingane. Un livre récent de l'historien Sviso Ndlovu tente de revenir sur les différentes sources qui existent sur ce personnage. Les premières recherches datent du 19e siècle. Des gens comme William Giddy ou Bishop Colenso ont travaillé sur ce qu'on appelle en Zoulou l'Izibongo, c'est-à-dire les poèmes d'éloge. Plus tard, au début du XXe siècle, nous avons aussi des récits recueillis par James Stewart auprès de plus de 200 interlocuteurs zoulous, certains ayant travaillé pour Dingane. L'un d'eux, un homme du nom de Tinunu, faisait même partie de sa garde rapprochée. De nombreux intellectuels africains ont écrit sur lui au XXe siècle. La plupart s'accordent sur le fait qu'il était cruel. Il a tué la plupart de ses frères, dont Chaka, qu'il a assassiné avec l'aide d'un autre frère, Umlangana. Il avait la réputation de quelqu'un en qui l'on pouvait avoir confiance, quelqu'un d'imprévisible. Il pouvait décider du jour au lendemain de vous tuer. Mais c'était quelqu'un de puissant. On le voit donc ici signer un traité avec Piet Retief, un traité supposé céder des terres aux Trekkers. Dans la mythologie africanaire, et quand je dis cela, ça ne veut pas dire que tous les Afrikaners adhèrent à cette mythologie, je fais référence à une école de pensée en histoire. Donc, dans l'historiographie africanaire, ce traité est important. Une copie est d'ailleurs censée être enterrée sous ce monument. Mais en fait, on ne sait pas si ce traité a vraiment existé. C'est un véritable sujet de débat. Certains intellectuels africains se demandent pour quelle raison Dingane aurait accepté de céder ainsi toute une partie de ses terres aux Trekkers. Donc nous voyons ici Piet Retief, suivi d'autres Trekkers, dont un jeune garçon. Et là, les guerriers de Dingane, agenouillés derrière lui. Vous voyez que tous les autres noirs derrière Dingane sont à genoux. Chez eux, c'est la politesse. On ne va pas mettre ça, avoir la tête plus haut que la tête du roi ou du leader. Et ce jeune ici, avec les gens sous forme de boule, à côté de Dingane, c'était un crachoir, cela. Parce que il croyait que si jamais il y avait, par exemple, le crachat, oui, par terre, ça serait possible pour quelqu'un de le prendre et de faire le black magic contre lui. Alors, ça, c'est Piet Retief. Alors, on voit Piet Retief avec... C'est son garçon, son fils derrière lui. Il y a un homme sans chapeau, ça c'est un Anglais, un missionnaire qui travaillait par là et qui était interprète. Et Piet Retief et Dingane sont donc assis à une petite table qui a été dépliée. Et Dingane tient dans sa main une plume pour signer un... Pour faire une croix. Pour signer, voilà, d'une croix, un traité d'alliance. Qui dessinait en région spécifique entre cette rivière et une autre rivière qui les Blancs pouvaient s'installer là. Pas de problème, on pensait. Et puis Dingane leur a dit, mais il faut rester ici un peu, faut manger avec nous et faire les danses, etc. Et poser les armes à l'extérieur. Ils ne soupçonnaient rien. Ils étaient en train de faire cette fête. Et à un moment donné, Dingane a crié « Tuez ces sorciers !» Et ils ont pris ces Blancs-là et ils les ont tués avec des coups de bâton ou avec des coups de pierre. Et donc juste à côté du tableau 12 où on voit Piet Retief et Dingaan signer ce traité, il y a le tableau 13 où on voit Piet Retief debout, voyant ses hommes se faire massacrer, et lui-même, les mains liées, va recevoir un coup de massue par derrière. Quand tous les autres sont morts, oui. Dingaan était vraiment fasciné par les armes à feu. Il était même entré en contact avec des missionnaires pour se renseigner sur les technologies européennes. C'est un point important de l'histoire qui permet de rappeler qu'il n'était pas hostile aux Blancs de manière générale. Cet épisode se situe en février 1838. Donc il invite Retief et ses hommes à célébrer le traité. Ces derniers laissent leurs armes dehors. Et la suite de l'histoire, bien que personne n'ait survécu pour la raconter, stipule que soudain, alors qu'ils étaient tous en train de boire et de regarder les danses, Dingaan donne cet ordre en Zoulou, Bulalani Abatakiti, ce qui signifie tuer les sorciers. De nombreuses personnes se sont demandé pourquoi il les avait appelés sorciers. Est-ce parce qu'ils avaient des pistolets ou encore des chevaux qui sont associés à la sorcellerie? Ou est-ce que cela évoquait de manière plus métaphorique leur caractère malfaisant? Les guerriers de Dingaan ont massacré les hommes de Retief. Et l'histoire raconte que Retief fut le dernier à être tué. Et c'est pourquoi vous le voyez ici, debout, affrontant la mort avec un mélange de crainte et de dignité. Leurs corps ont été laissés là. Quand la nouvelle est arrivée au campement, les Fort Trekkers ont décidé de se venger. Et ce n'est qu'après la bataille de Blood River que les squelettes ont été retrouvés. Qui a écrit cette histoire, tuer ces sorciers? C'est les premiers à avoir écrit ça, les sources originelles, ça vient d'où? Il est difficile de déterminer comment ils ont pu savoir qu'un tel ordre avait été donné. Une histoire raconte qu'il y avait là un jeune garçon, et peut-être est celui qu'on en voit représenté ici, qui comprenait le Zoulou et qui a entendu l'ordre de Dingaan. Alors, c'est en représailles de cet assassinat que va avoir lieu la grande bataille qui est célébrée ici, qu'on a appelée longtemps la bataille de Blood River, que vous préférez appeler la bataille de la rivière Nkomé. C'est un épisode central dans l'historiographie africanaire, parce qu'il est censé montrer la perfidie des Noirs. On ne peut pas vraiment leur faire confiance, ils signent un traité, vous invitent à une fête, et puis ils vous massacrent. C'était vraiment central, et dans tous les manuels d'histoire de l'époque de l'apartheid, et même d'avant, on présente la traîtrise de Dingaan et le courage de Retief. Et puis, il y a la bataille de Blood River. Entre ces deux épisodes, il y a eu d'autres batailles plutôt favorables aux Zoulous, mais dont on n'entend jamais parler. La seule dont on parle, c'est la dernière, durant laquelle les Zoulous ont attiré Pretorius et ses hommes près de la résidence royale, Umgungundlovu. Un universitaire célèbre du nom de Dunbar Modi a écrit il y a longtemps que ces événements pouvaient être considérés comme une saga sacrée, parce que pour les Trekkers, c'était Dieu qui dirigeait leur destinée dans ce moment clé. Et donc, même quand ils perdaient une bataille ou quand quelque chose de terrible arrivait, c'était pour eux une expression de la volonté divine. C'est pourquoi il est presque choquant d'entendre aujourd'hui les gens bavarder dans ce lieu. Parce que comme vous l'avez dit au début, il a été originellement pensé comme une église. Quand je venais pendant l'apartheid, les hommes devaient retirer leur chapeau. Les femmes devaient porter une tenue décente, comme à l'église. Bon, après tous ces événements-là, les gens, surtout les hommes, étaient vraiment... ils voulaient pas continuer. Mais si vous regardez les femmes, les hommes ont la tête baissée, tandis que les femmes sont droites, debout, et... les hommes ont dit, non, il faut laisser tomber toute cette idée-là. Et les femmes ont dit, mais non, on a fait tant et on est descendu du Drakensberg, la montagne du dragon, on ne va pas stopper maintenant. Et puis, voilà pour la première fois que Andries Pretorius entre. Il se trouvait à Graaf-Reinet. Comment on a fait pour apporter ce message jusqu'à Graaf-Reinet sur peu de temps? Sans doute sur cheval, mais c'était très vite fait. Et dans une semaine, il avait 450 hommes qui ont dit « Nous allons avec vous pour aider les trekkers ». Texte du vœu prononcé le 16 décembre 1838. Mes frères et compatriotes, nous sommes réunis aujourd'hui devant le Dieu du ciel et de la terre afin de faire une promesse. S'il se tient à nos côtés, nous protège et nous livre nos ennemis afin que nous puissions triompher d'eux, alors nous faisons le vœu de respecter le jour et la date anniversaire de l'événement comme un jour de sabbat, en son honneur. Et nous ferons en sorte que nos enfants participent à ce jour de souvenir. Si quelqu'un devait ne pas être d'accord avec ce vœu, qu'il s'en retourne chez lui. Car la magnificence du nom du Seigneur sera honorée dans l'allégresse et toute la gloire de la victoire lui reviendra. So then the fur trekkers, the surviving trekkers, sent for reinforcements and Pretorius arrived. Les forts trekkers qui restaient ont donc appelé des renforts et Pretorius est arrivé du Cap pour les aider à affronter les Zoulous. C'est à ce moment que le serment aurait été prononcé. The trekkers took a vow with God and the vow was that they would build a church. L'histoire raconte que les trekkers auraient juré de bâtir une église pour commémorer la date du 16 décembre, si Dieu leur accordait la victoire sur les Zoulous. On ne sait pas si ça s'est vraiment produit. Nous n'avons pas de véritables preuves. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la plupart de ces gens étaient sans éducation. Tout au plus pouvaient-ils lire la Bible. C'est pourquoi nous avons très peu de témoignages de l'époque. Mais vers la fin du 19e, l'histoire de ce serment prêté devant Dieu est devenue très populaire. Et au 20e siècle, cette date a été institutionnalisée. D'abord comme le jour de Dingane, puis pendant l'apartheid, comme jour du vœu, et enfin comme jour de l'alliance. Ça reste une date vraiment spéciale ici. Si vous venez un 16 décembre, vous verrez qu'il y a toujours un office et une commémoration religieuse qui célèbre le soutien de Dieu pour les Afrikaners. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au XXe siècle, des organisations politiques africaines faisaient aussi référence au « jour de Dingane », mais en le présentant cette fois comme un héros. Ils utilisaient la figure symbolique de Dingane dans un sens opposé, pour galvaniser les Africains, les encourager à résister à la ségrégation instaurée par le gouvernement durant l'apartheid. Il y avait même des images de Dingane et de ses guerriers appelant les Noirs à brûler leurs laissez-passer. Andries Pretorius avec moins de 500 hommes, après avoir prêté serment et fait ce vœu. Ce qu'il a décidé de faire, il a trouvé un très bon endroit qui était, on pouvait se défendre là. C'était la rivière Nkome et puis un donga, ça veut dire un fosse, c'est un mot des Noirs, un fosse bien profonde. Donc ça formait un peu comme ça. Et une cuvette. Oui, et sous forme de triangle, il a mis les chars, les chariots. Il y avait trois canons et les trois étaient au milieu des côtés. Et puis tous les hommes étaient au centre. Pendant la nuit, il y avait la nuit avant, ils savaient que les Zoulous étaient en route. Ils ont mis leurs lanternes à l'extérieur des chars sur des bâtons. Et il y avait de la... what is mist? La brume. Oui, il y avait de la brume. Et on pense que quand les Zoulous sont approchés et ont vu ces lumières qui étaient mal formées, oui, dans la brume, qu'ils avaient peur. Alors la La bataille de Blood River a eu lieu après ce vœu que vous évoquiez, Cynthia Cross, prononcé par Andris Pretorius, de la rivière Nkome, il faut dire avec un clic, a été le théâtre d'une bataille entre moins de 500 trekkers et, on pense, 10 000 guerriers zoulous, dont 3 000 seraient morts, massacrés et jetés à la rivière. C'est cette date-là, le 16 décembre, cette grande bataille qui est la date centrale de toute cette histoire. Une fois encore, nous avons peu de sources pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Comme je le disais auparavant, quand Pretorius est arrivé, son plan était de pousser les Zoulous à attaquer. En fait, le principal atout des Fort Trekkers était le lag, une formation défensive en cercle, qui leur permettait de tirer en se protégeant derrière les chariots. Mais pour arriver à cette formation particulière, il fallait appâter les Zoulous, les pousser à attaquer. Ils n'y sont pas arrivés tout de suite. Et c'est après un long moment, alors qu'ils étaient assez proches de la capitale du royaume Zoulou, qu'ils ont réussi à mettre en place cette formation et à provoquer une attaque des Zoulous. Vous voyez par exemple sur cette représentation que les Zoulous ont des lances et des boucliers, tandis que les Trekkers ont des armes à feu, des mousquets. Ils avaient aussi deux canons, le célèbre Khriti, qu'ils avaient apporté et fixé sur une calèche. Leur puissance de feu était donc un véritable avantage face aux Zoulous. Il est alors très probable qu'ils aient fait de nombreux morts comparés aux 3 ou 4 blessés du côté des Fort Trekkers, dont Pretorius lui-même. Et en effet, 3000 Zoulous sont supposés avoir trouvé la mort dans cette bataille. Mais Sfizun Dlovu, l'historien qui a écrit une contre-histoire de Dingane, raconte que ce qui lui avait donné envie d'écrire ce livre, c'est qu'en tant que professeur, ses élèves lui ont fait remarquer que dans toutes les batailles de l'histoire sud-africaine qui sont rapportées, il y a toujours exactement 3000 Noirs qui meurent, toujours le même chiffre. Et donc leur scepticisme l'a poussé à réexaminer toute l'histoire. Une fois encore, ce chiffre a sans doute été largement exagéré. Mais les Zoulous ont été défaits ce jour-là. La victoire des Trekkers en a donc fait une journée très importante, une journée de commémoration. Le 16 décembre est en effet un jour férié en Afrique du Sud et il a un nom, officiel depuis 1994, jour de la réconciliation. Un nom qui montre bien la volonté d'inscrire l'histoire et la mémoire d'un événement comme le Grand Trek au cœur du processus initié à la sortie de l'apartheid. J'aimerais ajouter que la première pierre de cet édifice a été posée à la fin de ce qu'on a appelé le second Trek. En 1938, soit 100 ans après cette bataille, un nouveau Trek a été organisé sous l'impulsion d'intellectuels et d'associations culturelles. L'idée était de rassembler les Afrikaners autour de leur histoire commune, car à l'époque, de nombreuses tensions et divisions traversaient la société. Les ouvriers africaneurs, notamment, se sentaient de plus en plus éloignés des intellectuels et de la classe moyenne capitaliste. Donc il y a eu une reconstitution du Grand Trek avec des chariots de l'époque qui ont refait tout le chemin depuis le Cap en s'arrêtant dans les villes. Les gens les ont bien accueillis. Certains enfants ont même été baptisés Yufiisa, ce qui veut dire centenaire. C'était vraiment un moment important. Et une fois arrivé ici, il y a eu une grande procession à la torche et la première pierre a été posée. La suite de la construction a dû attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le monument n'a été terminé qu'en 1949, mais il a vraiment été construit autour de la commémoration du Trek et plus particulièrement de la bataille de Blood River. Gert Murdeck, architecte du monument, brochure de 1949. La réponse à la question de savoir à qui l'Afrique du Sud appartient réellement se trouve dans le monument. La fresque historique qui décrit la bravoure des Wolfstrekkers informera le néophyte sur le prix qu'ils ont payé. Empli de fierté, il s'exclamera « C'est ma terre ». Je suis l'héritier en corps et en esprit des Wolf Trekkers qui en ont payé le prix. Liesel Smith, aujourd'hui, ce monument a une place un peu particulière dans la société sud-africaine, puisqu'il a été construit pour commémorer le Grand Trek et il est devenu le symbole de la nation afrikaner et de l'identité afrikaner. Oui, ça n'a pas peu à faire avec les Anglais. Ça ne fait pas partie de leur histoire. Donc c'est surtout les afrikaners, c'est dans leur histoire. Et, aujourd'hui que l'État, que la nation sud-africaine cherche une unité, cherche à partager les mémoires, essayer de construire une unité, comment est-ce que ce monument se place dans ces problématiques actuelles ? On voit souvent les groupes d'enfants, des écoliers comme ça, qui arrivent ici, anglais, africains, noirs. Donc on connaît cette histoire. Et les anglophones dans ce pays, ils ne parlent plus du tout de home, qui est l'Angleterre comme avant. Ils se sont sud-africains, ils sont nés ici, leurs parents sont nés ici. Et dans le passé, mettons, il y a 20 ans, il y avait un peu une animosité entre ces deux groupes. Mais aujourd'hui, je ne le trouve pas du tout. Là, vous parlez des Anglais, des anglophones. Ce sont des descendants de ces colons qui étaient ici au début. Et pour les Sud-Africains noirs, qu'est-ce qu'ils leur représentent, ce monument ? Comment est-ce qu'on peut leur présenter ? Quand le nouveau gouvernement, c'est il y a 24 ans, sont devenus le nouveau gouvernement, ils ont changé beaucoup des jours fériés qui étaient liés aux Blancs. Mais là, on s'est demandé, ce serment, c'est quelque chose de sérieux pour les Afrikaners. Et c'était un serment envers Dieu. Et c'était le jour terrible pour les Zoulous. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire le 16 décembre? Et puis finalement, ils ont dit, bon, on garde ce jour comme jour férié. Et on peut le fêter comme on veut. Alors comment est-ce qu'on a pu le fêter ? Comment est-ce que les Noirs peuvent fêter ce jour ? Je me demande, parce que vraiment c'était presque l'annihilation des Zoulous. Peut-être ce n'est qu'un jour férié, un jour de... Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un monument qui célèbre à ce point l'identité blanche, l'identité chrétienne, l'identité afrikaner ? Vous soulevez une question vraiment compliquée. Tout d'abord, l'administration du monument a récemment fait des efforts pour modifier la manière dont l'histoire y est présentée. Ils ont par exemple organisé une exposition sur les autres formes de migration, c'est-à-dire celle des Noirs et des Africains. Ils ont essayé de faire ça, c'est un début, mais ça ne renverse pas le sens du monument. Ce n'est qu'une exposition. Il y a aussi eu la construction du Parc de la Liberté, de l'autre côté de la vallée, qui faisait partie d'un projet patrimonial lancé au début des années 2000. Il s'agissait d'instaurer un dialogue entre le Parc de la Liberté et le monument aux Fort Trekker, entre deux visions de l'histoire, et d'œuvrer à la réconciliation. Donc ça, c'est un autre projet. Et puis l'administration du monument a aussi la charge d'un autre lieu, sur les bords de la Blood River, qui s'appelle en fait la rivière Nkome. Sur la rive ouest, il y a un monument construit en 1947. À l'époque, il n'y avait qu'un seul chariot pour commémorer la bataille de Blood River. En 1971, ils ont ajouté 64 autres chariots en bronze qui composent aujourd'hui le monument de Blood River en africain. Après l'apartheid, dans les années 1990, l'une des premières mesures prises par le gouvernement et plus particulièrement le nouveau ministre de la Culture et des Arts a été de construire un monument alternatif ici, du côté est de la rivière cette fois, qui donne plutôt le point de vue de Dingane et des Zoulous. Lors de la cérémonie d'inauguration, Thabo Mbeki et Buthelezi ont parlé de ces différentes perspectives et de la possibilité d'une réconciliation. Mais ces deux projets, le Parc de la Liberté et le monument de la rivière Nkome, n'ont pas eu l'impact escompté. Si vous prenez un taxi pour le monument au Fort Trekker, le chauffeur saura exactement où aller. Mais si vous demandez à aller au Parc de la Liberté, il vous répondra sûrement « Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas où cela se situe. » Le parc est bien moins connu. Il n'y a pas l'atmosphère que l'on trouve ici. Donc, il ne parvient pas à s'imposer face au monument au Fort Trekker. À un moment, il a été question de construire un pont pour relier les deux. Mais ça n'a pas été fait. Et je crois que cela signifie quelque chose, que le dialogue n'est pas vraiment possible. À mon avis, et là je vais vous donner un point de vue plus personnel, ce lieu est resté très important pour les personnes qui s'identifient comme afrikanaires. Le 16 décembre prochain, ils seront encore très nombreux à venir le visiter pour célébrer les bienfaits que Dieu a accordés aux afrikanaires. Parmi eux, il y aura à la fois des gens très conservateurs, mais aussi des personnes qui considèrent cette visite comme faisant partie d'une tradition culturelle. Ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de Sud-Africains noirs estiment aussi que le monument au Fort Trekker fait partie intégrante de leur culture et ne veulent pas le détruire. À la fin de l'apartheid, il y a eu un vrai débat à propos du monument. Fallait-il le détruire, le raser? Mais comme vous pouvez le constater, il a été bâti pour durer. Et ces questions restent vraiment compliquées. Merci à Liesl Smith et à Cynthia Cross de nous avoir accompagnés dans ce monument aux Fort Trekkers. Merci également pour ses conseils à Paul Coquerel, auteur de L'Afrique du Sud des Afrikaners aux éditions Complexe, ainsi qu'à toute l'équipe de l'IFAS Recherche à Johannesburg pour avoir organisé cette visite. Je signale aussi que l'on peut lire en ligne et en français l'article de l'anthropologue sud-africaine Reana Valli, Le monument aux Fort Trekkers, 50 ans plus tard, histoire d'une auto-réconciliation. Lecture, Sophie Doll et Daniel Koenigsberg. Prise de son, Hélène Langlois et Claire Levasseur. Mixage, Guillaume Ledu. Demain, nous continuerons dans la Fabrique de l'Histoire cette série de reportages et d'entretiens réalisés par Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury en Afrique du Sud. Et notre série continuera en nous demandant quelles furent les relations entre la France et l'Afrique du Sud de l'apartheid. C'est demain entre 9h05 et 10h.